Pourquoi nous disputer la montagne ou la plaine? Notre tente est légère, un vent va l'enlever. La table où nous rompons le pain est encore pleine, que la mort, par nos noms, nous dit de nous lever. Quand le sillon finit, le socle multiplie. Aucun œil du soleil ne tarit les rayons. Sous le flot des épis, la terre inculte plie. Le linceul, pour couvrir la race ensevelie, manque-t-il donc aux nations? Roule libre et splendide à travers nos ruines, fleuve d'Arminius, du Gaulois, du Germain. Charlemagne et César, campés sur tes collines, ton but sans t'épuiser dans le creux de leurs mains. Et pourquoi nous haïr et mettre entre les races ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'œil de Dieu? De frontières au ciel, voyons-nous quelques traces? S'avoue t-elle un mur, une borne, un milieu? Nation, mot pompeux pour dire barbarie, l'amour s'arrête-t-il ou s'arrêtent vos pas? Déchirez ces drapeaux, une autre voix vous crie, l'égoïsme et la haine ont seuls une patrie, la fraternité n'en a pas. Roule libre et royal entre nous tous, ô fleuve, et ne t'informe pas, dans ton cours fécondant, si ceux que ton flot porte ou que ton urne abreuve regardent sur tes bords l'aurore ou l'occident. Ce ne sont plus des mers, des degrés, des rivières, qui bornent l'héritage entre l'humanité. Les bornes des esprits sont leurs seules frontières. Le monde en s'éclairant s'élève à l'unité. Ma patrie est partout où rayonne la France, où son génie éclate aux regards éblouis. Chacun est du climat de son intelligence. Je suis concitoyen de tout homme qui pense. La vérité, c'est mon pays.